Et c'est l'heure de la chronique conso avec UFC Que Choisir 37 et Joël Constanza, responsable de la communication. Bonjour Joël. Bonjour. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, de fast fashion et d'ultra fast fashion. Ok. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut redéfinir ces termes-là, la fast fashion ? Oui, alors la fast fashion, hein, depuis les années 90, alors nous étions habitués à la fast fashion qui est représentée le plus souvent, hein, par exemple par Zara ou encore par H&M. Hein. Donc cette fast fashion, elle est caractérisée par une production rapide de vêtements peu chers. Alors ces marques sortent jusqu'à 36 collections de vêtements par an, contre 4 normalement, pour les marques de vêtements classiques. Et alors l'ultra fast fashion ? Alors l'ultra fast fashion, eh ben, c'est une nouvelle forme de consommation de masse qui a envahi le secteur de la mode depuis quelques années. Celle-ci a pour but de sortir des collections de vêtements de manière encore plus rapide et moins chère que la fast fashion. Alors dans ce système, on n'est plus à 3 ou 4 collections par mois, hein, comme chez Zara, comme je l'ai dit, mais plutôt à des nouvelles collections quotidiennes. Wow. Alors cette tendance à l'ultra fast fashion, hein, elle est aujourd'hui représentée par Shein ou Temu, hein, qui sont uniquement accessibles sur Internet pour pouvoir produire, vendre et livrer au plus vite les différentes commandes. Alors pourquoi un tel engouement ? Cet engouement autour de l'ultra fast fashion, elle est notamment due à la publicité sur les réseaux sociaux ou même sur Internet en général, hein, et elle vise en priorité les plus jeunes d'entre nous qui sont à la fois plus vulnérables et qui disposent de peu de moyens pour se payer des vêtements. Alors, les marques comme Shein, hein, par exemple, vendent leurs vêtements à des prix défiant toute concurrence, ce qui limite un peu le temps de réflexion que l'on doit normalement avoir avant d'acheter un produit. Ces mêmes réseaux, ils véhiculent une image idéalisée des corps et des pensées ? Oui, bien sûr. Et puis les plus jeunes veulent ressembler aux personnes qu'elles voient par le biais de leur écran en achetant les mêmes vêtements ou les mêmes accessoires et là à des prix totalement abordables. Et cette envie d'acheter, en plus, est stimulée par différentes techniques commerciales qui sont utilisées. Hein. Promotions effectuées toute l'année sur des vêtements qui étaient déjà pas très très chers. Hein. Mise en ligne de centaines de nouveaux vêtements par jour. Et tout le monde est touché ? Oui, parce que bien évidemment, les plus jeunes ne sont pas les seuls touchés. Hein. Tout le monde peut être tenté de se tourner vers ce type de solution afin de pouvoir changer sa garde-robe de temps en temps et pour pas très très cher. Hein. Mais il est impossible d'ignorer le fond de ce système qui, malgré certains avantages, cache une catastrophe mondiale. Oui, tout d'abord, on le rappelle, l'industrie du textile et de l'habillement est responsable à l'échelle mondiale d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre. Hein, oui, soit davantage que l'ensemble des vols et transports maritimes internationaux. Alors, c'est une industrie qui pollue énormément à la production, hein, puisqu'il y a des produits chimiques, hein, qui sont utilisés notamment pour colorer les vêtements ou bien aussi pour les blanchir. Hein. Et ces produits chimiques sont souvent rejetés dans les rivières, ce qui pollue les eaux, mais aussi les terres. Et puis, il faut quand même rappeler qu'on n'a jamais produit autant de vêtements neufs. Hein. Chaque année, c'est plus de 100 milliards de vêtements qui sont vendus dans le monde. Et rien qu'en France, hein, en l'espace de 10 ans, le nombre de vêtements vendus annuellement a progressé d'un milliard. Il atteint désormais 3,3 milliards de produits, soit plus de 48 vêtements ou accessoires par habitant. C'est énorme. Oui, parce que moi, j'en achète pas autant, donc ça veut dire qu'il y en a qui en achètent beaucoup plus. Eh ouais. Alors, il y a évidemment des conséquences néfastes. Oui, alors, on l'a dit, hein, premièrement, cette industrie cache un immense impact social parce que les prix affichés sur ces différents sites, hein, sont pas anodins et ils ont évidemment une face cachée. Mmh. Alors, il s'agit, en effet, on comprend bien, hein, des conditions de travail difficiles pour les employés, parce que les entreprises veulent faire de plus en plus d'économies. Hein. Alors, le faible prix qui est demandé aux acheteurs ici en France, par exemple, eh bien, il est en quelque sorte payé à l'autre bout du monde par ces employés qui travaillent souvent plus que le temps de travail légal, c'est-à-dire plus de 12 heures par jour, et bien sûr sans percevoir un salaire mérité. Mérité, bien sûr. Et alors sur l'environnement ? Alors sur l'environnement, bien sûr, hein, parce qu'en plus de cette maltraitance salariale, l'ultra fast fashion a un impact environnemental très, très néfaste. Alors cette tendance pousse à la surconsommation. Hein. Et puis, comme les vêtements en question, bah, vu leur prix, bah, là, il n'y a pas de qualité. Hein. Ouais, la qualité tout à l'heure, vous parlez de la coloration qui pollue, mais elle ne tient pas en plus. Bah, elle ne tient pas. Et puis, les vêtements se déforment tout de suite. Ouais. On peut dire, on est clairement, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, ils sont souvent jetés rapidement pour laisser place à d'autres vêtements pour les remplacer, hein, tout simplement, et peut-être aussi un peu plus à la mode. Alors, bien sûr, cette surconsommation entraîne un gaspillage des ressources, hein, parce que tout cela nécessite beaucoup d'électricité, d'eau et de temps de trajet pour faire parvenir les commandes à travers le monde. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, bien sûr, hein, l'industrie de l'ultra fast fashion n'est pas une fatalité, car il est possible d'agir à sa propre échelle. Hein. Alors, il ne s'agit pas ici de blâmer les personnes qui ont déjà acheté ou qui vont acheter sur ce type de site, mais il s'agit uniquement ici d'informer et surtout d'avertir. Alors, surtout après l'annonce de Shein d'ouvrir des magasins physiques en France, ce qui risque de porter un coup fatal à nos commerces de prêt-à-porter. Hein. Et Shein revendique, pour se défendre, la création de plus de 200 emplois, mais en même temps, combien en serait perdu oui, en France. Voilà, il faut quand même se poser la question et mettre des chiffres en face. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions, Joël ? Les solutions sont en fait simples et puis avantageuses pour tout le monde. Alors, d'abord, il est possible d'acheter moins de vêtements. Ça, c'est le premier point. Et puis, il est possible aussi de se procurer des vêtements et des objets de seconde main à moindre coût et aussi de manière locale. Alors, il y a des friperies, des magasins spécialisés en seconde main, comme ici, la ressource du Val d'Amboise. Il y a aussi la friperie ambulante de Mélanie, que l'on peut retrouver sur le marché. Dimanche matin, Mélanie, tout à fait. Voilà. Et puis, il y a aussi des magasins dans le centre-ville d'Amboise qui font des dépôts-ventes. Donc, n'hésitez pas à y aller, il y a des choses super. Et puis, il y a aussi sur Internet, il y a des applications comme Vinted ou Le Bon Coin. Et puis, on peut également aussi utiliser des applications basées sur le don, comme Give, qui permettent aux personnes de donner ou bien de récupérer des dons, et ça de manière locale. Alors, se procurer des vêtements, en conclusion, ou des objets neufs n'est pas toujours une obligation, ça je le répète. Et puis, ça peut être très avantageux pour le porte-monnaie et pour la planète. Et voilà, sur ce mot de la fin, sur cette belle idée, recyclons. Recyclons, consommons moins et recyclons. Exactement, le commerce circulaire. Tout à fait. Merci Joël, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, pas de problème, merci, au revoir.